long time in the morning. In the morning, I suck in for long. Oh, oh, oh, you will be there. Just let me in. Oh, yeah, you'll be there. The bathtub. Faut suivre, faut y aller. In the morning, I'm talking. I'm gonna soak in him. And then, and me in the bathtub. Will you win in the bathtub? Et dans les talons, et dans. Allez, allez, allez. Just let me soak in. Let me soak in. I'm gonna do some yoga. Oh, you will be there. In the bathtub every morning. Bathtub every morning. For approximately 40 minutes. Every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day. Avec le vent. Organisés, nous tiendrons contre les vents mauvais. Organisés, nous tenons One love, one heart. Oh, we need a long white call to go. Be alright. Thank you, my lady. I love you. Me too. C'est l'heure, mon ami. jamais par peine, sueur, par fidélité. Ouais. Renaclant, humble patience, longue patience. Renaclant, pourtant, pourtant, de notre temps. Il n'y a pas si longtemps, t'aurais été pendu comme un bandit à la langue trop pendue. Hein, fais gaffe mon ami, ce que tu dis. Mon cher Vénus. Attention mon ami, car le plus important, c'est de ne pas te sacrifier, ne pas mépriser ta propre utilité. Oh, c'est l'heure mon ami. Hein? sentiers battus, j'ai pu. Hors des sentiers battus, j'ai osé m'éloigner, j'ai osé semer, j'ai osé ouvrir une brèche, j'ai osé m'aventurer et amener, j'ai amené à défricher, juste en m'en promener, en m'en promener, j'ai trouvé. Oh, oui au bord, oui au bord, oui au bord, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Even when I sleep, I just walk on the border. Je t'aime, even que when je I t'aime. Sleep, I just walk on. Give it away, give it away, give it away, give it away, give it away. Comme d'habitude. Give it away, get away, get away now. Give it away we now. Say, oh. Give it away. Du tout maîtriser ta propre utilité. N'oublie pas mon ami. Light me up the cigarette and strap shoes on my feet. Got to find a reason that went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. And I've got a dimension and I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. Oh. Yes, oh, whoa, whoa. Yes, oh, wow, wow, wow. Yes, oh, wow, wow, wow. With you, while I love. That's what I got, love. That's what I got, love. That's what I got, then love. That's what I got, yes, oh, oh, mépriser ta propre utilité. Je sais ce que tu fais. Faut faire. Mon cher Vinéus. Dans nuit, la nuit. Non. Je sais ce que tu fais. Quand tu t'ennuies la nuit. Cette manie. Tu sais ce que je fais. Des trucs les plus fous. Pour savoir. Quand tu dis que c'est faux. Théorie de l'esprit poussée à l'extrême. Quand tu t'ennuies la nuit. Quand tu sais que ils sont fous. Oui, je sais, c'est pas la télépathie. Presque quand même. Pourquoi? Comment? Tu sais que ils sont fous. Tu le sens, tu le sais, tu le sens. Fidèlement servi. Avec mes amis sur cette ligne Charles-Tessier. On fait durer du plaisir. Oh, ah. Oui, oh, oui, I must Sur la plage abandonnée, coquillages et crustaces. Ne vous da pas, bla pop. Pa pa pa pa do da do potet rat rat rat rat oh wonder what the London thought oh what it did. Must be a devil between us all. Who's on my hair? What's the matter? What's on my ear? What's the matter? But hey, yeah, yeah. But hey, yeah.